بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة bienvenue aux chers frères في هذا المجلس dans cette assise où on continue l'explication des fondements de la foi et aujourd'hui inshallah ta'ala on va terminer cette série de répliques aux ambiguïtés de Monsieur Ismaël Mounir concernant le hadith de la division. Inch'Allah ta'ala. Sauf qu'aujourd'hui, ça sera un peu long. Inch'Allah, d'habitude, j'ai 6 pages devant moi. Aujourd'hui, j'en ai 10, plus 2 passages qu'on doit lire donc dans 2 livres, Inch'Allah ta'ala. Donc, on va patienter un petit peu. Bi'idhnillahi ta'ala. Et encore, je n'ai pas tout cité. Parce que, comme je vous ai dit dès le début, on peut pas tout citer. Il y a vraiment beaucoup d'erreurs. Et j'ai peur que ça soit trop long. Donc, j'ai choisi les passages les plus importants. Alors, il nous dit, Monsieur Ismaël Mounir, un hadith ne peut pas contredire des faits qui sont établis dans le Coran. Un hadith ne peut pas contredire des faits qui sont établis dans le Coran. Car selon lui, ce hadith contredit les faits établis dans le Coran, et on a déjà vu précédemment que ce hadith ne contredit pas les textes de la législation. Et moi, je dis bien, il ne contredit pas les textes de la législation. Je ne dis pas, il ne contredit pas le Coran. Car chez beaucoup de gens de la passion, beaucoup d'adeptes de la passion, allez voir avec lui, Inch'Allah, il va vous donner les documents. Barakallahu fikoum. Et donc, chez beaucoup d'adeptes de la passion, dès qu'ils voient un hadith qui ne les arrange pas, ils disent « Ce hadith est contraire au Coran. Ce hadith est contraire au Coran. » Et les hadiths ne peuvent pas contredire le Coran. Les frères, ce qui est connu des savants, ce qui est connu des imams de la communauté musulmane, c'est qu'il n'y a pas de contradiction dans les textes de la législation, dans tous les textes. Ça veut dire que le Coran ne contredit pas le Coran. La Sunna ne contredit pas le Coran. Le Coran ne contredit pas la Sunna et la Sunna ne contredit pas la Sunna. Il n'y a pas de contradiction. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de son prophète, il nous dit « Wa ma yantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha ». Il ne parle pas selon la passion. Tout ce qu'il dit est une révélation qui lui est faite. Et donc, tout le Coran et la Sunna, les deux, viennent d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ces deux sources sont une révélation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'y a donc pas de contradiction entre les deux. Et si une personne voit une contradiction en apparence, tu vois deux textes, un verset et un autre, ou alors un hadith et un autre, ou alors un hadith et un verset du Coran, une personne voit une contradiction en apparence. Alors cette personne-là doit aller voir les gens de science et demander aux gens de science qui vont lui expliquer et lui montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit dans son livre, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et c'est exactement ce qu'aurait dû faire M. Ismaël Mounir. Lorsqu'il a vu une contradiction, il aurait dû demander. Les savants ont écrit des livres sur ce sujet. Ils ont écrit des livres sur ce sujet. Les textes où il y a une contradiction en apparence, la compréhension et l'explication. Il aurait dû demander tout simplement. Il nous dit aussi, l'application de ce hadith crée une grande zizanie au sein des musulmans. L'application de ce hadith crée une grande zizanie au sein des musulmans. Et franchement les frères, subhanallah, comme cette parole est lourde, comme elle est grave. A'udhu billah. Depuis quand l'application de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam divise les musulmans et sème la zizanie entre les musulmans? Depuis quand? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle unit les musulmans. Rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de la division. Il cite la maladie qui arrive, il nous dit « Innahu man ya'ish minkum فَسَيَارَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Il parle à ses compagnons, il leur dit, celui d'entre vous qui aura une longue vie, il verra beaucoup de divergences. La maladie qui arrive, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ. Alors accrochez-vous à ma sunna, ainsi que celle des califes bien guidés. Voilà le remède face à donc la division. وَتَمَسَّكُوا بِهَا تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Accrochez-vous fermement à celle-ci, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mordez-y à pleines dents, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est important, voilà le remède face à la division. Et tout de suite après, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Méfiez-vous des innovations. Méfiez-vous des inventions. Et donc les savants, ils nous disent, on comprend quoi de ça? Car ici, dans ce hadith, le prophète, il nous parle de la division. Ensuite, il nous cite le remède de la division, qui est le fait de s'accrocher à la sunna. Et donc à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des califes bien guidés. Et ensuite, il nous remet en garde, il nous met en garde contre l'innovation. Voilà pourquoi les savants, ils nous disent, la sunna, c'est elle qui unit les musulmans. Et la bid'a, l'innovation, c'est elle qui divise les musulmans. Voilà pourquoi souvent, on entend nos savants qui disent « Ahlu sunnati wal jama'a ». Les gens de la sunna et du groupe, c'est eux qui rassemblent les musulmans. « Wa ahlul bid'a wal furqa ». Les gens de l'innovation et de la division. Et donc il apparaît clairement que parmi les causes qui divisent les musulmans, il y a l'innovation. On ne peut pas dire que le hadith, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, divise les musulmans en quoi que ce soit. Et parmi les causes aussi qui vont diviser les musulmans, il y a le fait de se taire face aux actes blâmables. Le fait qu'il y a quelque chose de blâmable qui se fait, qui se produit, et qu'ensuite on se taise. Cela divise les musulmans. Et voilà pourquoi il est impératif de parler. De montrer aux gens la vérité. Voilà pourquoi on fait 6 cours sur un sujet comme celui-ci. Pour montrer aux gens la vérité. Pour diminuer la division le plus que possible. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre « وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et qui interdise le blâmable. Et ceux-là sont ceux qui réussissent. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les éclaircissements leur soient parvenus. Et ceux-là auront un châtiment douloureux. Le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il explique que dans ces deux versets, il y a un élément très important. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous ordonne d'appeler au bien et d'interdire le mal. Et ensuite, il nous dit de ne pas être comme ceux qui se sont divisés. Il dit donc, en faisant le lien entre les deux versets, on comprend que le fait de délaisser l'appel du bien et la mise en garde contre le mal entraîne la division des musulmans. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, aux chers frères. Le fait que des gens, ils ont grandi avec des innovations ou ils ont vu autour d'eux des gens qui faisaient des actes blâmables et que personne ne blâmait cela. Tout le monde le faisait. Et donc, ils ont suivi. Lorsque toi, tu viens, tu leur dis, non, c'est pas ça la sunna. La sunna, c'est ça, ça, ça. Ils vont te dire, ah, lui, il est venu avec un nouveau groupe, avec une nouvelle pratique religieuse, etc., etc. Alors que c'est toi qui es sur la vérité. C'est toi qui expliques aux gens la sunna. Mais le problème, c'est que cet acte blâmable que tu reproches aujourd'hui, il n'a pas été blâmé, il n'a pas été reproché auparavant. Et donc, les gens, ils pensent que c'est ça, la religion. Voilà pourquoi il est important, aux chers frères, de ne pas se taire face au faux. Il y a aussi parmi les causes qui divisent la communauté musulmane, il y a le fait que certains ignorants prennent la parole et critiquent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et critiquent aussi le travail des imams de la communauté en rejetant des ahadiths que les imams ont acceptés de génération en génération. Et aussi en s'accrochant aux avis rares de certains savants qui ont critiqué ce hadith. Voilà les causes qui divisent la division, qui divisent la communauté musulmane. Et on ne peut pas dire que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle divise quoi que ce soit. Monsieur Ismaël Mounir, il nous dit qu'il y a dans ce hadith, dans l'application de ce hadith, il y a une forme d'orgueil. Subhanallah. Il y a une forme d'orgueil. Selon lui, c'est orgueilleux de dire aux gens de suivre le groupe sauvé. Le groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme tel. Le groupe qui s'accroche à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement montré un groupe face à plusieurs groupes. Et donc, selon M. Ismaël Mounir, il y a en cela une forme d'orgueil. Alors nous allons poser une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « La yasma'u bi yahoudiyun wa la nasraniyun thumma la yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Aucun juif ou chrétien n'entend parler de moi. Puis, rejette ce avec quoi je suis venu sans qu'il fasse partie des gens du feu. » Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce qu'on va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que celui qui ne suit pas sa pratique, celui qui ne suit pas sa religion, est certes sur une voie du faux, une voie du feu. Est-ce que ceci c'est de l'orgueil? Non, c'est pas de l'orgueil. Il dit la vérité, tout simplement. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, « وَمَذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الدَّلَلِ » Qu'il y a-t-il après la vérité, si ce n'est l'égarement? Qu'il y a-t-il après la vérité, si ce n'est l'égarement? Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Celui qui recherche, celui qui veut une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Et dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Nous tous, on récite à chaque fois, dans chaque prière, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider sur la voie de rectitude, la voie de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits. Ghayril maghdoubi alayhim waladdallin. Et non pas la voie de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Est-ce que c'est de l'orgueil? Le fait d'affirmer que la voie de rectitude, l'islam, c'est la seule voie qui amène au paradis et que toutes les autres religions amènent en enfer, est-ce que M. Ismaël Mounir voit que cela c'est de l'orgueil? Non, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. Et c'est là qu'on va dire, de la même façon, que l'islam c'est la seule religion sauvée, ceci est une vérité, nous disons de la même façon, la sunna, c'est le seul groupe qui est sauvé. Il n'y a pas d'orgueil en cela. Cheikh Oulislam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit comme dans Majmou' al-Fatawa, le chapitre, donc le 7e volume, il nous dit, à la page 284, « Wa ahlu sunnati fil islam » كأهل الإسلام في الملل وذلك أن كل أمة غير الإسلام فهم ضالون. Et les gens de la sunna sont dans l'islam De la même façon que les adeptes de l'islam sont dans les autres religions. C'est-à-dire, les gens de la sunna sont dans la communauté musulmane de la même façon que les gens de l'islam sont face aux autres religions. Ce sont les seuls à être sur la vérité. Il nous dit « Wa dhalika anna kulla ummatin ghayr al-islam fahum dallun » et cela car toute autre communauté que l'islam ce sont des égarés. Wa inna ma yudilluhum ulama'uhum, certes ce sont leurs savants qui vont les égarer. Fa ulama'uhum shiraruhum, et donc leurs savants ce sont les pires d'entre eux. Wal muslimuna ala huda, et les musulmans sont sur une guidée. وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ الْهُدَى بِعُلَمَائِهِمْ فَعُلَمَاؤُهُمْ خِيَارُهُمْ. Et certes, la guidée donc, de la communauté musulmane, elle apparaît, elle s'éclaircit par les savants. Et donc les savants de la communauté musulmane sont les meilleurs d'entre eux. Et donc les savants des autres religions sont les pires d'entre eux. Les savants de la communauté musulmane sont les meilleurs d'entre eux. وَكَذَلِكَ أَهْلُ السُّنَّةِ. De la même façon, les gens de la sunna, et immatuhum khiyarul umma, leurs imams sont les meilleurs de la communauté, wa immatu ahlil bid'ah adarru ala al ummati min ahli dhunub, et les imams des gens de l'innovation sont plus dangereux pour la communauté que les adeptes des péchés. Et donc ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous a cité une parole qui est très connu chez les gens de science, chez les savants, le fait que les gens de la sunna sont pour l'islam de la même façon que les gens, que les musulmans sont pour les autres communautés. C'est-à-dire que les gens de la sunna, ce sont eux qui sont sur la vérité, de la même façon que les musulmans face aux autres religions, ce sont eux qui sont sur la vérité. Il n'y a aucune forme d'orgueil en cela, et ceci est connu des savants de notre communauté. Mais franchement, soyons clairs. Vous savez ce qui dérange beaucoup de personnes concernant ce hadith ? Qu'est-ce qui les dérange en fait, en réalité, concernant ce hadith ? Soyons clairs. Hein ? Pour faire n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas la salafia. Ah, voilà, j'ai dit soyons clairs, les frères. J'ai dit soyons clairs. Soyons clairs. Les gens, ce qu'ils n'aiment pas, pourquoi ils ne veulent pas de ce hadith ? Parce que ce hadith, c'est une preuve que la salafia, c'est l'islam. Et que l'islam, c'est la salafia. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre clairement le groupe sauvé, c'est qui ? Man kana ala mithli ma ana wa ashabi. C'est lui qui a la même pratique que moi et que mes compagnons. Qui appelle à cela ? Ce sont les salafis. Si ce n'est pas les salafis qui appellent à cela, qui appelle à cela ? Voilà pourquoi ils n'aiment pas ce hadith. Parce que ce hadith est une preuve que la salafia, c'est le groupe sauvé. Et donc voilà pourquoi ils se fatiguent tant. Ils se fatiguent tant pour essayer de rejeter cette vérité qui est si évidente. Il nous dit, donc parmi ses arguments pour rejeter ce hadith, il nous dit, et certes, l'islam accorde une grande importance à la fraternité. Ce hadith, selon vous, il contredit la fraternité ? La abadan, pas du tout. Pas du tout. Mais au contraire, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par fraternité et par amour pour nous, il nous montre et nous met en garde contre tout ce qui peut être un danger pour nous. Et parmi ces éléments, il y a les groupes du feu. Et c'est ça la vraie fraternité. C'est ça la vraie fraternité, les frères. Celui qui t'aime, celui qui veut ton bien, celui qui est ton frère, c'est celui qui va venir te voir et te dire « Yahri, fais attention, ça c'est pas bien ». Arrête de fréquenter un tel et un tel. Arrête de fumer. Arrête de rater les prières à la mosquée. Arrête ci, arrête ça. Corrige-toi sur ça. Voilà ton frère. Celui qui veut ton bien. Celui qui pense à l'au-delà. C'est pas celui qui va venir et te laisser dans l'erreur comme cela. Voilà la fraternité. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre tout ce qui était un mal pour nous. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ » Certes, vous êtes venu un prophète qui vient de chez vous. Il s'adresse aux Mécois. Tabaraka wa ta'ala. « عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ » Et lui pèse lourd tout ce qui vous touche, tout ce qui est difficile pour vous. « حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ » Et certes, il est plein de sollicitude envers vous. Bil mu'minina raoufur rahim. Et certes, il est plein de compassion et de miséricorde envers les croyants. Et donc c'est comme ça qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la fraternité. Et voilà pourquoi on a Abu Daoud dans son Sunan qui nous cite selon Abi Hurayra radhiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit "Al mu'minu mir'atul mu'min, al mu'minu akhul mu'min." Le croyant est le miroir du croyant. Le croyant est le frère du croyant. C'est ça la fraternité. Tu es son miroir. C'est quoi son miroir? Tu lui montres ses défauts. Il regarde dans le miroir, il voit ses boutons là, là, il voit j'ai ci, j'ai ça. Toi, tu es son miroir, tu lui montres que c'est des faux. Yahri, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Je te le dis par fraternité, parce que je t'aime, parce que je veux ton bien. Et c'est par fraternité pour la communauté musulmane qu'on reste ici et qu'on a fait 6 cours sur le sujet. 6 cours sur le sujet, alors qu'on a envie de finir le livre. On a envie d'avancer. Mais par sincérité, parce qu'on veut le bien de la communauté musulmane, nous tous, on a patienté sur ça. C'est vrai ou pas? C'est ça la fraternité. Et donc aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que la fraternité, c'est le fait de se taire sur les erreurs des autres. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre les groupes du feu, et c'est ça la fraternité. Parmi ces arguments, il y a le fait qu'ils disent « L'islam accorde une grande importance à la tolérance et à l'acceptation de la divergence. » L'islam accorde une grande importance à la tolérance et à l'acceptation de la divergence. Tayyib, Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil respectif, donc dans Sahihayn, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des Khawarij, et il a dit, يقرؤون القرآن لا لا لا يجاوز حناجرهم. Ils récitent le Coran et cette récitation ne dépasse pas leur gosier. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Ils tuent les gens de l'islam, les adeptes de l'islam, et ils laissent les adeptes des idoles. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. Ils sortent de l'islam de la même façon que la flèche va sortir de la bête qui a été donc visée. لا إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. Si je les atteins, donc ces gens, ce groupe, Al-Khawarij, comme Daesh, etc. Si je les atteins, alors, si je parviens jusqu'à eux, je les tuerai de la même façon que Ad se sont fait tuer. Le peuple de Ad. Ça veut dire quoi? Le peuple de Ad, ils ont tous été anéantis. Allah, tabaraka wa ta'ala, il les a tous anéantis. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre ici la dureté envers ces khawarij, la dureté envers ces innovateurs. Et comme j'ai cité dans l'exemple, comme Daesh et autres. Est-ce qu'on va dire non, il faut faire preuve de tolérance, etc., etc. Qui va dire ça? Est-ce que M. Ismaël Mounir, il va nous dire, concernant les terroristes, ah, il faut faire preuve de tolérance, et nous devons accepter la divergence, etc., etc. Abadan, personne ne dit ça. Et donc, on comprend clairement qu'il y a, dans la religion musulmane, certains sujets sur lesquels on va accepter la divergence et d'autres sujets sur lesquels on n'accepte pas cette divergence. et on va la combattre. Al-Bukhari et Muslim, il nous cite selon Aïcha radiallahu anha qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a récité ces versets. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. C'est celui qui a fait descendre sur toi le livre. Il y a dans celui-ci des versets qui sont clairs et d'autres, et donc des versets qui sont clairs, c'est la base du livre, et d'autres qui portent à équivoque. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وَبَتِرَا أَتَعْوِيلِ. Concernant ceux qui ont dans leur cœur une maladie, ils vont s'accrocher aux versets qui portent à équivoque, et tout cela par fitna, en recherchant la fitna, les troubles, et en recherchant une interprétation. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Et personne ne connaît son vrai sens, sa réalité, en dehors d'Allah, تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Et ceux qui sont fermement dans la science, ils disent, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Et seuls les doués de raison suivent le rappel. Aïcha radiallahu anha, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir lu ce verset, il a dit: فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهِ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Si vous voyez ceux qui s'accrochent aux versets qui portent à équivoque, alors ceux-là sont ceux qu'Allah a cités. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Dans Sahihain. Est-ce qu'on va dire non, divergence, mais il faut être tolérant, etc.? Et rappelez-vous, dans Sahih Muslim, le hadith de Jibril qui est dans Sahihain, mais il y a la narration qui est dans Sahih Muslim, dans cette narration-là, et donc il y a les deux hommes qui informent Abdullah ibn Omar de la parole de l'Qadariya, ceux qui rejettent le destin. Il dit quoi, Abdullah ibn Omar, le compagnon du prophète, radiallahu anhu? Il dit, فَإِذَا رَأَيْتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ عُمَرٍ بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Si tu vois ces gens-là, alors dis-leur que Abdallah ibn Omar se désavoue d'eux et que eux, ils n'ont rien à voir avec lui. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَ مَا تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. Et il dit, Abdullah ibn Omar, par celui dont mon âme est entre ses mains, si l'un d'entre eux dépense une somme d'or qui est comme la montagne de Uhud, il dépense en aumône de l'or comme la montagne de Uhud, une grande quantité d'or, Allah n'acceptera pas de lui tant qu'il ne croira pas au destin. C'est la parole d'Ibn Omar, radiallahu anhuma. Et Nawawi, il dit ici en expliquant ce passage, il dit, وَهَذَا تَكْفِيرٌ صَرِيحٌ مِنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Il dit ici, Ibn Omar radiallahu anhuma, il a clairement montré la mécréance, jugé de mécréance ces individus-là. Et donc, est-ce qu'ici on va dire, non, mais il faut être tolérant, etc., etc. Il y a énormément de textes qui montrent ceci. Rappelez-vous, cet homme qui est venu voir l'imam Malik, rahimahullah, en lui demandant concernant l'istiwa, Ar-Rahman, ala al-arshistawa, Ar-Rahman, il s'est établi sur le trône, kayfastawa, comment il s'est établi? Comment il s'est établi? Qu'est-ce qu'il a fait l'imam Malik? Il a baissé la tête vers le sol. Et ensuite, il lui a dit, certes, l'istiwa, ma'loum, est connu. Wa el kayf majhoul. Le fait de demander, donc le fait de savoir comment, ça c'est pas connu. Wa su'al anhu bid'a. Le fait d'interroger, de demander concernant cela, c'est une innovation. El imanu bihi wajib. Le fait d'y croire, c'est une obligation. Et il nous dit, wa ma araka illa mubtadi'an. Je ne vois que le fait que tu sois un innovateur. Et il a ordonné que cet homme soit sorti de la mosquée, qu'on le fasse sortir de la mosquée. Certains savants, ils nous disent, et c'est la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est à Médine. Et donc, effectivement, il y a dans notre religion certains sujets sur lesquels il faut faire preuve de tolérance et d'acceptation de la divergence. Notamment la jurisprudence, quand il n'y a pas une preuve évidente dans un des deux côtés, ou alors quand dans chacun des avis, il y a une preuve solide. À ce moment-là, il faut faire preuve de tolérance. Comme par exemple, on a le sujet, est-ce que lorsqu'on a fini le recours, Sami Allah liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, est-ce que tu vas mettre tes mains le long du corps, ou est-ce que tu vas les remettre ici au niveau du torse? D'accord? Au niveau de la poitrine. Est-ce que, donc, on va avoir de la dureté ici? Non! C'est une divergence qui est connue, et il n'y a pas une preuve évidente et claire des deux côtés. Et donc, tu acceptes, tu vois ton frère qui est comme toi, toi tu pries d'une autre façon, alhamdoulilah. Taïb, lorsque tu veux te prosterner, Allahu Akbar, est-ce que tu vas lever les mains ou pas? Certains disent non, d'autres disent oui, c'est la sunna. Et donc, on doit faire preuve de tolérance sur certains sujets comme ceux-ci. Par contre, les sujets sur lesquels les premières générations ont été unanimes, et même les sujets sur lesquels on voit clairement que les premières générations ont montré la dureté face à ceux qui les ont contredits, alors sur ces sujets-là, nous n'acceptons pas la divergence. Nous n'acceptons pas la divergence, notamment la croyance, la aqida. Et donc, ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre, barakallahu fikum. Ensuite, parmi les preuves qu'il nous cite, M. Ismaël Mounir, il nous cite la parole. Donc, on avait cité, donc, on a dit qu'il y avait des rares savants qui avaient attaqué ce hadith. Et M. Ismaël Mounir, forcément, il a déjà cité Ibn Hazm. Et maintenant, on va voir un autre. Il nous dit que Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Al-Wazir Al-Yemani, il dit, prends garde à ne pas être tenté par la partie du hadith qui dit « Tous iront en enfer, sauf un. » C'est un ajout pervers, sans fondement. C'est un ajout pervers, sans fondement. Et donc voilà, comme je vous ai cité, voilà un des rares savants qui s'est attaqué à ce hadith. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a montré que cette parole d'Ibn Al-Wazir, elle montre qu'il ne s'attaque pas à la chaîne de transmission du hadith. Il ne s'attaque pas à la chaîne de transmission du hadith. Mais chez lui, il y a un problème au niveau du sens du hadith. Et donc le hadith, il est authentique au niveau de la chaîne de transmission. Cheikh Al-Albani, il nous dit, et donc à partir de là, on ne peut pas accepter la critique de ce savant, donc Ibn Al-Wazir, car ce hadith, comme on l'a montré dans les autres cours, n'a aucune contradiction avec les preuves du Coran et de la Sunna. Il n'y a pas de contradiction. Et donc, à ce moment-là, nous ne pouvons pas accepter cette parole de Ibn al-Wazir, rahimahullah. Et cette parole fait partie des erreurs des savants dont il faut faire attention. Les erreurs des savants dont il faut faire attention. Et c'est là qu'on va arriver. Donc, au Sunan al-Kibir d'Al-Bayhaqi, le volume 21, à la page 99, il nous cite avec sa chaîne de transmission qui monte jusqu'à Al-Awza'i, qui dit « Man akhadha » بنوادر العلماء kharaja min al-islam. Celui qui s'appuie sur les avis rares des savants, celui-ci sort de l'islam. Les avis rares, c'est ce qui est voulu ici, ce sont donc les erreurs rares des savants. Celui-ci sort de l'islam. Ce qui est voulu ici, ce n'est pas il sort de l'islam, il n'est plus musulman. C'est celui-ci a délaissé la pratique correcte de l'islam. Celui-ci s'oppose à l'islam en faisant cela. Au Lefkar, il est interdit d'aller rechercher les erreurs des savants pour s'y accrocher. Comme on a aujourd'hui parfois certaines personnes, « Ah, mais j'ai entendu qu'il y avait un savant qui disait que c'était permis de faire crédit à la banque et tout. » J'ai entendu que certains savants, ils disent que c'est permis de faire la fête, de fêter Noël, etc., etc., etc. Tant que dans ma croyance, je sais que Noël, c'est pas bien, mais je peux le faire, certains savants, ils disent. Et donc, il y a des personnes qui vont s'accrocher aux avis faibles des savants, comme ça. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Il nous cite aussi Ad-Darqutni, Al-Bayhaqi, excusez-moi. Une autre parole de l'Awza'i qui dit « Yujtanabu au yutraku min kawli l'Irak khamsan wa min kawli ahli l'Hijazi khamsan wa min kawnam » Il nous dit donc, parmi les paroles des gens de l'Irak, on délaisse cinq avis. Donc parmi les avis qu'il y a en Irak, donc les savants de l'Irak, c'est ce qui est voulu ici, on délaisse cinq avis. Et parmi les avis des gens du Hijaz, donc Mecca et Médine, on délaisse cinq avis. Et ensuite, il donne des exemples. Par exemple, en Irak, il nous dit le fait, la permission de boire de l'alcool. Le fait de manger après le Fajr pendant Ramadan. Ou donc le fait de retarder la prière du Asar jusqu'à ce que l'ombre de toute chose soit égale ou représente quatre fois sa taille, etc., etc. Il nous cite plusieurs exemples. C'est donc je vais vous passer tous les exemples, je ne vais pas tout citer, inshallah ta'ala. Le fait de donc pour les gens du Hijaz, il y a le fait de rassembler entre deux prières sans excuse, El Mut'a bin Nisa, etc., etc., etc. Et donc il nous montre ici qu'il y a des avis des savants à ne pas suivre comme ça. Pourquoi ? Parce que ce sont des avis qui contredisent la vérité. Tu ne peux pas t'accrocher, c'est totalement faux, et c'est une mauvaise méthodologie que de s'accrocher à un avis sous prétexte qui t'arrange, etc. Non, tu dois t'accrocher à la voie, à la vérité. Et les savants ont fortement blâmé le fait de s'accrocher à la parole d'un savant qui s'est trompé. Mais il y a aussi un autre point ici à prendre en compte, c'est que dans la vidéo, M. Ismaël Mounir, lorsqu'il nous parle d'Ibn al-Wazir, il nous dit Ibn al-Wazir, le grand savant du Yémen. Et donc il nous montre que c'est un Yéménite. Il nous montre que c'est un Yéménite. Et ça, c'est problématique. C'est très problématique. Pourquoi ? Parce que le Yémen, c'est pas en France. Le Yémen, c'est pas en France. Monsieur Ismaël Mounir, dans une autre vidéo, il cite les problèmes qu'il y a dans la communauté musulmane en France. Dans la communauté musulmane en France, quels sont les gros problèmes qu'il y a ? Il nous dit, on importe beaucoup de choses qui viennent de l'étranger. Et on empêche aux musulmans de penser son islam de France. On empêche aux musulmans de penser son islam de France. Monsieur Ibn al-Wazir, il n'est pas français. Et donc, quand ça nous arrange, on importe des avis de l'étranger. Hein? Mais de toute façon, en réalité, on n'a pas le choix. Puisque l'islam ne vient pas de France. L'islam ne vient pas de France. Et les personnes qui veulent, justement, qui appellent à cet islam de France, ils veulent en réalité nous couper des sources authentiques de l'islam. Ils veulent nous couper de la pensée, de la pratique, de la méthodologie des pieux prédécesseurs. Le prophète et les compagnons radiallahu anhum. Et voilà pourquoi ce hadith il le dérange. Voilà pourquoi ce hadith il le dérange. Parce que ce hadith nous appelle à avoir une pratique de l'islam conforme à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la voix de ses compagnons. Et pas un islam qu'on a quand on est en France ou quand on est ailleurs. Hein? Et les gens qui nous appellent à un islam de France, ils nous appellent à diviser la communauté musulmane. On va avoir un islam de France. Hein? On est à Villerue ici, attention, on a nos voisins du Luxembourg. Ils vont venir ici à la mosquée avec leur islam du Luxembourg. On a nos frères d'Allemagne aussi. Hein? On a le frère d'Allemagne, on a le frère Alban qui est prédicateur là-bas en Allemagne. Il m'a dit qu'il aimerait bien venir nous rendre visite avant que je parte. Eh bien, il va venir avec son islam d'Allemagne. Hein? Chacun vient avec son islam. Ici, dans la mosquée, mashallah, on a des Algériens, des Marocains, on a Tunisiens, hein? On a des Martiniquais, on va venir avec un islam de Martinique aussi. Et donc, ces gens-là, ils appellent les musulmans à se diviser et à ne pas se baser sur les sources de la législation. Voilà pourquoi nous devons prendre garde, nous méfier de tous ces gens-là. Barakallahu fikoum. Parmi les arguments qu'il nous cite, l'avant-dernier argument qu'on va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, inshallah, il nous cite une parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il nous dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, celui qui pense que les 72 sectes sont mécréantes contredit le consensus des savants. Il veut utiliser cette parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah pour réfuter ce hadith. Celui qui dit que les 72 sectes sont mécréantes, il contredit le consensus. Mais il y a un problème, un gros problème. C'est que premièrement, cette parole de Cheikh al-Islam, elle ne contredit pas le hadith. Au contraire, elle nous montre que lorsqu'on parle de ces groupes, on parle de groupes qui n'ont pas de déviance qui fait sortir de l'islam. Ce sont des groupes qui restent musulmans. Et donc, ce sont des groupes où leurs adeptes, s'ils rentrent dans le feu, n'y resteront pas éternellement. Voilà ce qu'on comprend donc de la parole de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et cette parole donc ne contredit pas le hadith. Le problème, le gros problème, c'est que M. Ismaël Mounir, il ne cite pas à ses auditeurs ou à ceux qui le suivent, il ne leur dit pas que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a authentifié le hadith. Il ne leur dit pas que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit cette parole dans l'explication du hadith, où il s'appuie sur ce hadith pour aborder le sujet de la croyance et pour montrer que les gens de la sunna sont le seul groupe sauvé. Et c'est ça qu'on appelle de la malhonnêteté. Tu es allé chercher dans le texte l'explication. Il a fait l'explication du hadith Ibn Taymiyyah. Tu es allé chercher dans l'explication. Tu as rejeté tout ce qu'il disait. Et tu as pris ce passage où tu penses que tu peux l'utiliser pour rejeter le hadith. Et tu le cites à tes lecteurs. C'est de la tromperie, ça. C'est de la tromperie, ça s'appelle. C'est interdit, ça. C'est interdit. Lorsque tu ramènes les paroles des ulama et que tu délaisses tout ce qu'il a voulu dire pour prendre ce qui t'arrange, ça, c'est un manque de sincérité. Ça, c'est un manque de sincérité et d'honnêteté. Voilà pourquoi on le dit tout le temps, méfiez-vous, les gens ne comprennent pas. Méfiez-vous, arrêtez de prendre de tout le monde. Et il nous cite aussi, donc, le dernier argument qu'on va citer aujourd'hui, il nous cite l'explication de Nawawi, rahimahullahu ta'ala, al-Hafiz al-Nawawi, qui lui aussi s'est appuyé sur ce hadith et l'a expliqué, en a parlé. Et donc ce monsieur, il est allé chercher une parole de l'Hafiz al-Nawawi qui l'arrange. Quelle est cette parole? C'est que Nawawi, il nous dit, rahimahullah, que ce qui est voulu par le groupe sauvé, c'est As-Sawad al-A'zam. As-Sawad al-A'zam, que M. Ismaël Mounir a traduit par la majorité écrasante. Il dit donc, selon cette explication de l'Hafiz al-Nawawi, on comprend le hadith d'une autre façon. C'est la majorité écrasante qui sont sur la vérité. Et donc, ce n'est pas le petit groupe, ce n'est pas un seul groupe qui est sur la vérité, mais c'est la majorité écrasante, et donc les 72 groupes qui sont sur la vérité, et etc. Taïm. Comment on répond à ça, les frères ? As-sawadul a'zam. Les savants, ils ont abordé ce terme à cause des hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit al-firqatu an-najiyah. Il a décrit le groupe sauvé comme étant as-sawadul a'zam, la majorité éclatante, si on traduit comme ça. Il a décrit ce groupe comme tel. Est-ce que ça veut dire que c'est la majorité éclatante, donc le groupe le plus grand où il y a le plus d'adeptes? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous cite une parole qui est importante concernant la langue arabe. Que c'est important quand tu parles la langue arabe et quand tu comprends la langue arabe, il faut que tu saches que la langue arabe, elle évolue avec le temps. Que les mots évoluent avec le temps. Il avait cité un exemple, Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, on l'a déjà cité dans cette mosquée. Il nous dit que les savants du Nahou, ils se sont mis d'accord sur le fait que le terme « kalimah », il veut dire un mot. Mais que parfois, ça veut dire une phrase. D'accord ? Le terme « kalimah » dans la langue arabe, il veut dire un mot. Mais parfois, il veut dire une phrase. Ça, c'est selon les savants de la grammaire arabe. Il nous dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il n'y a aucun texte dans le Coran ou dans la Sunna ou chez les anciens arabes qui montre que le mot kalima, c'est un mot. Kalima, c'est une phrase. Tu vas voir le terme kalima dans le Coran, c'est une phrase. Quand Allah Azza wa Jalla cite que certains ont prononcé une kalima, c'est une phrase qu'ils ont prononcée. Kalimatu tawhid, la parole de l'unicité, c'est une phrase. Il dit donc le mot kalima, il a changé avec le temps. Et donc il est important que lorsque tu regardes les textes de la législation, que tu les comprennes en fonction de l'arabe qu'ils avaient eux. De l'arabe qu'ils avaient eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. As-sawadul a'zam. Et donc le groupe sauvé. Dans d'autres textes, il nous dit que le groupe sauvé, al-firqatu najiya, c'est man kana ala mithli ma ana wa ashabi, celui qui a la même pratique que moi ainsi que mes compagnons. Dans d'autres textes, il nous dit al-jama'a, le groupe. Le groupe. Donc le groupe sauvé, c'est al-jama'a. Et voilà pourquoi Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il nous dit al-jama'a, man wafaqa al-haqq wa law kunta wahdak. Al-jama'a, le groupe, c'est celui qui est en accord avec la vérité, même si tu es seul. Et donc, tous ces noms-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, as-sawadul a'zam, ou alors al-jama'a, ou alors, man kana ala mithli ma ana wa ashabi, celui qui a la même pratique que moi avec mes compagnons, tout ça, ça va dans le même sens. C'est-à-dire, quand tu comprends al-jama'a et ainsi que as-sawadul a'zam, tout cela, ces deux termes, ils sont expliqués par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a la même pratique que moi et mes compagnons. Et voilà pourquoi Ibn Mas'ud nous dit que al-jama'a, c'est celui qui est en accord avec la vérité, même s'il est seul. Même s'il est seul. Et donc c'est important, cher frère, barakallahu fikoum, de revenir aux écrits des savants, parce que ce que je vous ai dit ici, je ne l'ai pas sorti de ma poche. Je ne suis pas un savant, moi. Mais moi, mon rôle, c'est juste de vous citer les paroles des ulema, de vous résumer les paroles des ulema pour que ça soit plus simple, plus facile à comprendre, inshallahu ta'ala. Et donc, c'est important, mon cher frère, qu'on s'accroche à ces gens-là. Les ulema qui ont fait un travail monstrueux pour nous, pour nous permettre de comprendre notre religion, c'est important qu'on reste avec eux et qu'on se méfie de tous ceux qui cherchent à dénigrer leur travail. Voilà pourquoi je continue, ô chers frères, à vous mettre en garde contre toutes ces personnes qui cherchent à ruser pour tromper la communauté musulmane. Et j'espère que cela pourra, donc cela nous sera tous, nous sera profitable à tous, Inch'Allah ta'ala, ainsi qu'à monsieur Ismaël Mounir, afin qu'il revienne de ses erreurs. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite et surtout de nous accorder la sincérité. Il est capable de toutes choses. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.